dance to the fly, to the feeling of now. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? On a découvert le rock avec mon prof d'anglais. Les paroles sont géniales. Ah, super ça! Et sinon, ta chambre, elle serait pas un petit peu rock'n'roll aussi? Mais papa! Pendant les vacances, Acadomia propose des stages d'anglais façon summer camp, à domicile, en centre ou en ligne. L'occasion de profiter de l'été pour progresser, où que vous soyez. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Bonsoir, bienvenue dans Autant d'importe l'histoire. Aujourd'hui, le général Dumas. Le 26 février 1806, à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, le général Alexandre Dumas rendait l'âme à l'âge de 44 ans, laissant derrière lui une veuve et deux enfants. Pauvre, malade, épuisé par des années de captivité, celui qui fut un des plus grands généraux de la Révolution française disparaissait, oublié de tous. De tous, sauf de son fils de 4 ans, qui portait son nom et qui un jour réparera l'humiliation en devenant un des plus grands écrivains français. Alexandre Dumas n'aurait sans doute jamais écrit « Les Trois Mousquetaires » et « Le Comte de Monte Cristo » s'il n'avait été porté par la légende paternelle, héroïque et tragique. Le général Dumas, né à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, d'un père noble normand et d'une esclave noire, esclave lui-même, sera élevé en France comme un gentilhomme, puis s'engagera avec passion dans la Révolution et en deviendra un de ses plus brillants généraux. Courageux, fin stratège, ce grand gaillard brun de peau, surnommé le Diable Noir par les Autrichiens, verra pourtant sa carrière brisée net par Bonaparte. Jalousie, divergence politique ou bien racisme de celui qui venait de rétablir l'esclavage. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Frédéric Régent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, maître de conférences et directeur de recherche à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de plusieurs livres sur la France et sur l'esclavage. Quelle place le général Dumas occupe-t-il dans l'histoire de la Révolution française ? Alors, il occupe une place assez importante. Il est engagé dans l'armée déjà sous l'Ancien Régime et en tant que sous-officier de l'Ancien Régime. Lorsque la Révolution survient, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 72% des officiers de l'armée, qui sont nobles, vont la quitter. Et cela permet une promotion assez immédiate de ceux qui étaient déjà dans l'armée à ce moment-là. Mais qui n'étaient que des soldats. Et qui n'étaient que des soldats. Alors ouais. Là, pour le coup, il était ce qu'on appelait un bas-officier, c'est-à-dire l'équivalent d'un sous-officier. Et très rapidement, il se retrouve propulsé, donc en 1792, donc au grade de capitaine. Et il est sous les ordres d'un métis de la Guadeloupe, qui s'appelle Joseph Bologne de Saint-Georges, le fameux chevalier de Saint-Georges, donc musicien, et il est à la tête d'une unité qui s'appelle la Légion des Américains. Et donc cette Légion des Américains est formée d'hommes de couleur, mais aussi de colons de Saint-Domingue, et puis elle est complétée de manière à ce qu'il y ait assez de monde. Et cette unité, et notamment Dumas et Saint-Georges, vont dénoncer en mars 1793, la trahison de Dumouriez. Parce que Dumouriez était prêt à livrer toute l'armée, c'était le général qui avait remporté la bataille de Valmy, la bataille de Jemappes, c'était un grand général, et il était prêt à, enfin il avait trahi, il était prêt à livrer l'armée française, et il a participé à la dénonciation de Dumouriez. Donc déjà un fait d'armes qui va lui permettre d'obtenir assez rapidement le grade de général. Et en tant que général, il va servir Napoléon Bonaparte. Mais est-ce que ce général Dumas a une place reconnue dans l'historiographie, alors, cette fois, de la Révolution française ? Oh, non, pas pour le grand public. Après, voilà, c'est un général comme beaucoup d'autres. Hein. Si on regarde des manuels, des ouvrages un peu précis sur la campagne d'Italie, on parle de lui. Sur l'expédition d'Égypte, on parle de lui. Mais bon, c'est pas non plus un général commandant une armée. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, ses exploits sont connus à l'époque. Hein. Oui. Alors, l'histoire de ce général Dumas a commencé à Saint-Domingue, où il est né en 1762. Qu'est-ce que c'est que Saint-Domingue au XVIIIe siècle, avant la Révolution française ? Alors, Saint-Domingue, c'est la plus prospère des colonies françaises. À la veille de la Révolution française, enfin en 1790, il y a 500 000 d'esclaves. Par comparaison, l'île de la Guadeloupe en a 90 000, l'île de la Martinique 80 000. C'est l'endroit du monde colonisé par les Européens où il y a le plus d'esclaves. Pourquoi ? Parce qu'il y a des plantations. Alors, il y a d'une part parce que l'île est beaucoup plus vaste que la Guadeloupe, et d'autre part parce qu'il y a eu une mise en place d'une économie de plantation qui repose sur la production de sucre, d'indigo, du café, du cacao. Et c'est le premier producteur de sucre d'exportation du monde à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Donc, Et comment les gens vivent à Saint-Domingue ? Alors, la société est divisée en différentes classes juridiques. Vous avez donc au sommet de cette hiérarchie les planteurs, les grands planteurs, hein, ceux qui possèdent des plantations de canne à sucre. En dessous, vous avez des planteurs un peu plus petits qui produisent du café, de l'indigo. Et puis, vous avez à l'intérieur de la population blanche, ceux que l'on appelle des petits blancs, qui sont plutôt des gens pauvres. Puis, vous avez aussi une catégorie intermédiaire entre les blancs et les esclaves, qui sont les libres de couleur, qui sont des gens affranchis ou descendants d'affranchis, qui peuvent eux-mêmes être propriétaires d'esclaves. Alors parmi ces libres de couleur, eh bien vous avez des gens comme Toussaint Louverture, un noir libre, et puis vous avez des gens un peu comme le futur général Dumas, qui est un fils de propriétaire et d'une esclave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est très répandu, et que en général, les propriétaires d'esclaves affranchissent toujours une de leurs concubines et les enfants qu'ils ont eus avec. Merci Frédéric Régent. Nous poursuivons tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, Le Général Dumas, un texte de Christelle Mouchard, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Baptiste Guiton. Mon enfant, tu es trop jeune pour lire cette lettre, mais il est important que je l'écrive aujourd'hui. Tu es trop jeune pour lire cette lettre, mais il est important que je l'écrive aujourd'hui. Je vais bientôt mourir, et quand tu seras grand, je ne serai plus là pour te parler de ma jeunesse. Pour commencer, il y a cette histoire, celle que je te raconte le soir pour t'endormir. Peut-être l'auras-tu oubliée. Alors la voici, telle que tu devras la répéter plus tard à ton propre fils. Il était une fois, très loin d'ici, dans une île appelée Saint-Domingue. Un garçon qui vivait sur une colline avec son père et sa mère, tout en bas, il y avait une rivière où il aimait se baigner. C'est là qu'un jour, il trouva un drôle de tronc d'arbre échoué au bord de l'eau. Bien sûr, il se mit à lui lancer des cailloux pour voir, et alors, des pattes apparaissent, se soulèvent, une gueule s'ouvre, un caïman. Heureusement, un vieil homme était là, assis sur un mur. « Ti monsieur » a-t-il crié. « Courrez droite ! Ti monsieur, courrez gauche !» Le garçon a compris qu'il devait faire des zigzags pour échapper au monstre. Mais crois-moi, quand il est arrivé chez lui sur la colline, il s'est évanoui de peur. C'était moi, ce garçon. Tu l'as compris, mon enfant. J'étais heureux sur ma colline. Nous n'étions pas riches, mais nous étions libres. Je vivais comme les garçons et les filles du village. On avait de toutes les couleurs. Des noirs comme ma mère, des blancs comme mon père, des bruns foncés comme moi. des brins clairs comme toi, jusqu'au jour où... Je n'aime pas en parler. Mais il faut que tu saches, mon fils, ce qui s'est passé ce jour-là. L'enfant auquel son père écrit cette lettre au soir de sa vie est destiné à devenir un écrivain mondialement connu, Alexandre Dumas, aujourd'hui inhumé au Panthéon. En ce 26 février 1806, il n'est encore qu'un petit garçon ordinaire, et bientôt orphelin, car son père est très malade. Il ne le sait pas, il n'a que 4 ans. Il ne sait pas non plus que son père est un héros de la Révolution française, un grand général naguère célèbre qui va s'éteindre dans un oubli complet, admiré seulement par quelques amis, par sa femme et par cet enfant auquel il va révéler son histoire. Une incroyable histoire commencée 30 ans plus tôt, en 1776, dans le pays qui est aujourd'hui Haïti. Le futur général Dumas est alors un adolescent de 14 ans, appelé Thomas Alexandre Delisle. Il vit dans une région reculée de Saint-Domingue, près de la rivière La Guinaudée. Thomas, où cours-tu comme ça? À la rivière, petite mère. Je vais me baigner, on m'attend, je me dépêche. Bah, ton père, tu l'as vu? Oui, il est allé au port. Il t'a dit pourquoi? Non, mais je lui ai dit au revoir. Ah oui, il m'a aussi dit qu'il m'aimait. Ah bon? Ce n'est pas son genre. En effet, mais bon. Voilà qui est étrange, décidément. Il a emporté l'argent que j'avais mis dans la boîte là. Tu le connais, il a encore dû perdre au jeu. On va bientôt voir arriver un créancier. Justement, tiens, regarde ce bonhomme qui arrive sur le chemin. Et toi, le négrillon? Où est ton maître? Je n'ai pas de maître. Allons donc. Mon père vous le dirait de lui-même s'il était là. Son nom est Delisle. Antoine et... Delisle, je sais. Et toi, tu es l'esclave Thomas Alexandre Delisle, 14 ans. Et toi, la femme, tu es l'esclave C7 Dumas. Il n'y a pas d'esclave dans l'habitation de Delisle. Je m'amuse, hein. L'habitation de Delisle. C'est comme ça que tu l'appelles? T'as brillante, dis donc. Quelques plants de café au milieu de nulle part. Remarque, c'est ce qu'on m'avait dit. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, bah tu commences à t'inquiéter, ma jolie. On m'a dit qu'Antoine Delisle est un petit aventurier venu de Normandie il y a 22 ans. Qu'à peine débarqué, il a enlevé une belle esclave et qu'il est venu se cacher ici. Dans cette région du sud où l'on trouve beaucoup d'anciens flibustiers, beaucoup d'esclaves fugitifs et pas beaucoup de gendarmes. Il a fondé une belle petite famille, métisse, et fait beaucoup de dettes, comme partout où il passe. Et alors, de quoi vous me mêlez? De ce qui me regarde, mon garçon. C'est écrit, sur ce papier. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit, s'il vous plaît? Que je suis ton nouveau propriétaire, ma jolie. Selon cet acte signé par Antoine Delisle lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Père a vendu la plantation? Laissez-moi voir. Non, Thomas. Ton père n'a pas vendu la plantation. Alors quoi? Il nous a vendus, nous. Comment ça, nous? Croyez-moi, je suis toujours une esclave. Antoine ne m'a jamais affranchie. Et toi, il t'a jamais reconnue. Donc, tu es aussi un esclave, selon la loi. Tu as tout compris, ma jolie. Tu es maintenant mon esclave. Et Thomas? Lui? Il a été acheté par un certain capitaine Langlois, auquel je vais le conduire à Port-au-Prince. Je suis plutôt un bon maître, vous verrez. À condition que vous soyez de bons esclaves. Allez, dépêchez-vous. Tu te rends compte, mon enfant? Je vivais heureux, libre et tellement insouciant. Bien sûr, je savais que le nord de l'île était aux mains des planteurs de canne, qu'ils avaient d'immenses habitations cultivées par des milliers d'esclaves venus d'Afrique. Mais je ne me sentais pas concerné. Mon père avait fui le nord, il vivait à l'écart avec ma mère, et je ne me suis jamais demandé s'il l'avait épousée. Je me laissais vivre. Le choc a été rude de me découvrir comme ça, en quelques mots, abandonné, vendu, esclave. Même si... ce coup de théâtre n'a été que le premier d'une longue série. Le deuxième coup de théâtre survient rapidement. Le capitaine Langlois, qui a pourtant payé 800 livres l'achat du jeune esclave, s'en débarrasse curieusement dès le mois de juillet 1776 en le mettant sur un navire en partance pour la France. Thomas Alexandre Delisle est alors séparé pour toujours de sa mère. Il ne la reverra jamais. Quelques semaines plus tard, il arrive au Havre, bien incapable d'imaginer ce qui l'attend. Comme c'est gris cet endroit. Le ciel, les maisons, même les gens. Quel froid. Dire qu'on est au mois d'août. Qu'est-ce que je fabrique ici? Ah, le voilà, mon fils. Mon fils, enfin. Père? Vous? Vous? Ah, tu n'en reviens pas, hein? Qu'est-ce que tu croyais? Que je t'avais abandonné? Allons, mon grand. Ça y ressemblait, non? Mais non, mais c'était du faux. Tout faux. Du faux? Cet homme qui nous a parlé comme si on était ses chiens. Je vous assure, ce n'était pas du faux. Vous avez vendu ma mère. Vous m'avez vendu. Ah non, toi, je ne t'ai pas vendu. Je t'ai mis en gage. En gage? Je vois. Comme on met sa montre chez un usurier, c'est ça? Un peu. Mais j'ai remboursé. Comprends-moi, il me fallait de l'argent pour rentrer en France. J'étais sans le sou. Quand on vous voit là, c'est difficile à croire. Habit de velours, gilet de soie brodée, cravate de dentelle, un vrai seigneur. Et regarde mes boutons, ils sont en diamant. Élégant, non? Trêve de sottise. Je vais t'expliquer. Viens, ma voiture est là. Cocher, à la maison. Bel habit, une maison, une voiture. Ouais, je sais. Pour ceux qui m'ont connu à Saint-Domingue, c'est difficile à croire. Je suis riche. Et toi aussi. Tu n'imagines pas combien? J'imagine pas, non. J'imagine encore moins comment vous avez pu vendre votre femme, votre fils. J'ai vendu ses 7, je le reconnais. Mais toi, pas vraiment. La preuve, tu es là. J'avais tellement hâte de te revoir, mon grand. Oh, ah, nous y voici. Où ça? Je vois pas de maison, juste des grilles, des pommiers, des vaches et un mur en briques immense. Avec des fenêtres partout. Le château des Marquis de la Pailleterie. Qu'est-ce que je viens faire là? Contempler la demeure de tes ancêtres, cher comte. Comte? Marquis? Qu'est-ce que vous racontez? Ton histoire, mon fils. Écoute. Le marquis, c'est moi. Le comte, c'est toi. Un fils de marquis est comte jusqu'à ce que le marquis meure. Comme mon père vient de mourir, je suis le marquis. Vous êtes? Ah! C'est pour ça que vous êtes rentré en France, pour toucher l'héritage. Mais ce nom, Delisle? Un faux nom que j'ai pris en arrivant à Saint-Domingue il y a longtemps. En fait, je suis né Antoine de la Pailleterie. Et toi, comme tu es mon fils, tu peux prétendre être Thomas Alexandre, comte de la Pailleterie. Moi, le fils bâtard de l'esclave Cécette Dumas? Qu'importe. Il suffit que tu sois avec moi. Habillé, comme moi. Pour tout le monde, tu seras avant tout le fils du marquis de la Pailleterie. Et vous allez aussi faire venir ma mère? Certainement pas. Laisse ta mère où elle est. C'est une fille des îles. Bon, ce n'est pas tout. Il faut partir. Nous avons de la route. Ah bon? Nous ne dormons pas ici? Ben non, ce ne sera pas correct. Pas correct de dormir chez nous? Ce n'est plus chez nous. J'ai vendu le château. Vous avez vendu votre demeure ancestrale? Et alors? Je me moque de mes ancêtres. C'est pour cela que je suis allé à Saint-Domingue, justement, pour échapper à mes ancêtres. Et maintenant, je veux aller à Paris. C'est pourtant joli, la Normandie. Pourquoi aller à Paris? Pour faire ton éducation. Regarde-toi. Un vrai petit sauvage. Il est temps que tu deviennes un gentilhomme. Et puis, Paris, tu verras. C'est le centre du monde. Tu vas y faire sensation, crois-moi. Toutes les dames seront à tes pieds. Cocher, en route. À nous, Paris. Ce vieux tas de briques nous paiera bien quelques années de belle vie à la capitale. Ah, mon enfant. Quel drôle de bonhomme, ton grand-père. Il se disait libertin. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là. S'il était juste terriblement égoïste et jouisseur, ou s'il se croyait vraiment philosophe. Pourquoi a-t-il vendu ma mère, sa compagne depuis 20 ans? Il me disait que son acheteur était insolvable et que, de ce fait, elle était virtuellement libre. Mais il n'a jamais vérifié. Il racontait ce qui l'arrangeait, c'est tout. Je dois lui reconnaître, pourtant, il ne mentait pas sur un point. Nous avons eu la belle fille à Paris. 10 années de faste et de plaisir attendent en effet ces deux aristocrates d'un genre un peu particulier. le marquis dépense sans compter, pour lui, mais aussi pour son fils. Leçons de danse, de latin, d'escrime, Thomas Alexandre se montre un élève doué. Aussi remplit-il aisément le programme fixé par son père et devient-il un gentilhomme accompli. Endurci par ses jeunes années passées à courir les mornes de la Guinaudée, il est aussi un cavalier infatigable et bientôt un excellent escrimeur. À 22 ans, il mesure 1,85 m, une taille rare à l'époque, ce qui ne l'empêche nullement de faire la révérence avec grâce. Un soir de l'automne 1784, alors qu'il est au théâtre, boulevard du Temple à Paris... Madame, je suis enchanté. Le jeune comte de la Pailleterie. Justement, ma fille me parlait de vous hier soir. Elle me disait en confidence que vous étiez l'un des plus beaux hommes qu'elle eût jamais vu. Mademoiselle n'a pas l'âge d'avoir encore vu beaucoup d'hommes. Certes. Mais je n'ai pu que la confirmer dans cette impression, moi qui en ai vu beaucoup. Vous me flattez. Puisque je vous tiens compte, je tiens salon demain. Votre père sera là. Viendrez-vous ? Je suis au regret de décliner votre invitation. J'ai un engagement à la salle d'armes pour un échange avec un page du duc d'Orléans. On m'a parlé de vos prouesses au sabre. Vous y êtes, paraît-il, admirable. Je viendrai vous voir un de ces jours, avec ma fille. J'en serai honoré. Ah, quelle foule! Je vous en prie, comte, sauvez-moi, ma loge est au bout, là-bas. Suivez-moi, je vous ouvre la voie. N'ayez crainte, belle dame, je vous retiens. Mais je ne tombe pas. Ah, mais si, vous tombez. Voyez, votre domino est tout dérangé. Je vais le remettre, là. Enfin ! Monsieur, veuillez laisser madame en paix. De quoi te mêles-tu, laquais ? Oh, vous parlez au fils du marquis de la Pailleterie, monsieur l'important. Quelle farce, un mulâtre. Je vous connais bien, vous autres. Dans votre pays, on vous met les fers aux pieds. Moi aussi, je vous connais. Vous vous prenez pour un seigneur parce que vous avez fait la chasse aux esclaves dans les îles à sucre. En réalité, vous n'êtes qu'un petit commis du bureau de la guerre. Je pourrais vous... Oui, mon enfant, j'aurais pu. Crois-moi, j'aurais pu l'empoigner, ce petit commis, et te le lancer comme une catapulte jusqu'au milieu du parterre. Et c'est ainsi que tu raconteras l'histoire quand tu seras grand. Je t'y autorise. Après tout, je faisais une tête de plus que cet imbécile et j'aurais pu facilement le soulever à bout de bras. Mais en réalité... J'étais trop raisonnable pour faire le coup de poing dans un théâtre. J'ai préféré négliger l'insulte. Même s'il choisit de la négliger, l'insulte rappelle au fils du marquis que malgré ses dentelles et ses admiratrices, ou plutôt à cause d'elles, il indispose. C'est qu'il est loin d'être le seul fils d'esclave instruit et fortuné. Ces nouveaux venus, qu'on appelle à Paris les « libres de couleur » ou les « Américains », savent se faire entendre. À tel point que le milieu intéressé au commerce des Antilles s'en inquiète et obtient du ministère de la Marine que soient durcies les conditions de leur entrée en France. Il y a de quoi faire réfléchir Thomas Alexandre, dont les relations avec son père se font alors de plus en plus distantes, jusqu'au printemps 1786. Vous avez pas vu mon père. Qu'est-ce qu'il me vaut Tu me délaisses, maman. Ah bon? Vraiment? C'est que je suis pas sûr que vous avez besoin de moi. Peut-être, mais tu oublies que toi, tu as besoin de moi. Ah bon? C'est moi qui paie tes dettes. Et il y en a beaucoup ces temps-ci, je trouve. Vous avez voulu faire de moi un gentilhomme, rappelez-vous. C'est réussi, non? Certes. Mais tu pourrais te calmer un peu. Bien, marchons. Le palais royal est près d'ici, non? Vous savez bien, vous y allez pour choisir vos courtisanes. Je viens de parler. Vois-tu, je n'ai plus les moyens de t'entretenir. Il va falloir te trouver un emploi. Je songe à un régiment. Mon nom te vaudra un grade d'officier supérieur, si je frappe aux bonnes portes. Tu pourras te battre en duel autant que tu veux. L'armée tolère très bien cette manière de régler les questions d'honneur. Contrairement au directeur de théâtre, bien sûr. On vous a raconté ? Tu as bien fait d'ignorer l'insulte. Hein, la pailleterie ne s'abaisse pas pour fondre ce genre de personnage. Il le bastonne. C'est curieux. Il pensait la même chose, mais à l'inverse. Qu'un créole ne s'abaisse pas pour fondre un mulâtre. J'ai reçu une leçon ce soir-là. La deuxième. Deuxième ? La première m'a été donnée le jour où j'ai appris que j'étais un esclave. Dans ce théâtre, j'ai compris qu'aux yeux de certains, je le suis resté. Cela n'a aucune importance. Tu as pu le constater dans notre milieu. Tu es un homme libre. Vous voulez dire que dans notre milieu, la condition noble de mon père compte plus que la condition servile de ma mère. Te voir dans ces salons élégants est un spectacle jouissif, je dois dire. C'est pour cela que vous m'avez élevé comme un gentilhomme, n'est-ce pas ? Pour ce spectacle jouissif, pour vous amuser. Et pourquoi pas ? C'est ma façon de me libérer des préjugés. J'ai toujours aimé la liberté, tu le sais. Et j'aime plus encore le Palais Royal, pas toi ? Tous ces gens, ces cafés, ces orateurs bavards, ces courtisanes impudentes. Allez, déride-toi, mon garçon. Ces dames te regardent. Tu te souviens, je te l'avais prédit. Elles sont toutes à tes pieds. Ce ne sont pas des dames, mon père. Juste des filles de rien. Et alors ? Qu'est-ce que tu as contre les filles de rien ? Moi, je les aime, je ne m'en cache pas. Un peu trop. Si je n'aimais pas les filles de rien, tu ne serais pas là, mon fils. Vous insultez ma mère. Allons, je chérissais tendrement ces sept. Ce n'est pas une insulte dans ma bouche, fille de rien. Vous dépassez les bornes. Vous parlez de liberté, vous ne savez rien de la liberté. Vous n'êtes qu'un débauché. Qu'est-ce qui te prend ? Ça ne me prend pas. Ça ne m'a jamais quitté, ça me ronge depuis 10 ans. Allons donc. Tu n'as jamais refusé mon argent, que je sache. C'est vrai. Vous vouliez que je devienne un prince. Cela m'a plu, je l'avoue. Mais c'est fini, je vous quitte. Parce que je n'ai plus d'argent ? Peut-être. Après tout, vous avez joué avec ma vie. Je joue avec la vôtre. Je m'en vais, je n'ai plus rien à voir avec vous. Sauf mon nom. N'oublie pas. En effet, vous me l'avez donné, je vous le rends. C'est un parricide. Pas tout à fait. Je tue mon père, pas ma mère. Voilà, c'était fini. J'ai laissé mon père à ses amours ancillaires et je ne l'ai jamais revu. Ma mère non plus. Tu pourrais me le reprocher. Ce n'est pas que je l'ai oublié. Elle reste en moi, ineffaçable. Elle restera en toi aussi. Mais tu vois, 10 années avaient passé depuis mon arrivée au Havre. Je n'étais plus un gamin des îles. Je n'étais pas non plus le jeune aristocrate façonné par mon père. J'étais un type d'homme nouveau, qui rêvait d'une époque nouvelle, et je sentais qu'en France, il allait se passer de grandes choses. Enfin ça, je n'y ai pas pensé tout de suite. Mon seul souci, à vrai dire, était l'argent. Je n'avais plus un sou en poche. Alors, je me suis engagé dans l'armée, mais comme simple soldat dans un régiment de dragons. Ah ! Je t'assure que j'avais fière allure dans mon uniforme à revers écarlate et mon casque à cimier. Aussi séduisant soit-il, ce n'est pas pour l'uniforme que Thomas Alexandre a choisi ce régiment. C'est à cause de ses talents de cavalier et de sabreur, qui répondent parfaitement aux besoins d'une unité vouée aux actions de commando. Cependant, en cette année 1786, la paix règne en France. Le jeune dragon occupe donc son temps, comme tout le monde, à suivre l'évolution de la situation politique. La réunion des États généraux, le serment du jeu de paume, la prise de la Bastille. À l'été 1789, il est en garnison à Laon, en Picardie, lorsqu'il reçoit l'ordre de se déplacer jusqu'à la petite ville de Villers-Cotterêts, dont il doit assurer la protection. Le 15 août, il se présente à l'auberge L'Écu de France. Pardonnez-moi, est-ce que je suis bien chez l'hôtelier Claude Labouré ? Oui, soldat, mais il est sorti. Je peux lui transmettre un message ? Non, je vais l'attendre. Je vous remercie, madame. Mademoiselle. Je suis confus. Je... Ne vous excusez pas, je sais que j'ai l'air un peu trop sérieux. Mais pour une fille d'aubergiste, ça vaut mieux. Vous êtes la fille de Claude Labouret ? Oui. Ça me donne des obligations. Surtout en ce moment. Bien sûr. Vous avez connu des troubles ici ? Dans les villages alentours, surtout. Il y a cette grande peur qui circule... Les paysans se passent le mot que les aristocrates vont couper le blé pour les affamés. Et puis, il y a des bandes de miséreux prêtes à tout. Ce n'est pas de leur faute, mais... Rassurez-vous, l'Assemblée nationale va tout arranger. Vous avez entendu ce qui s'est passé la nuit du 4 août. La fin des privilèges, une ère nouvelle commence. C'est ce que dit mon père. Je vois que vous êtes d'accord avec lui. Tant mieux. De bonnes discussions en perspective. Vous êtes de la troupe qui vient garder la ville, n'est-ce pas ? En effet, je dois loger ici. J'en suis désolé pour vous. Mon père l'a lui-même proposé. Il est commandant de la garde nationale. Si j'osais, je le remercierais de m'avoir donné la chance de vous rencontrer. Et moi, si j'osais, je vous demanderais... D'où je viens, n'est-ce pas ? Mon teint couleur de café vous intrigue. Je pourrais vous taquiner, vous dire que je viens de Paris. Ah ! Voici notre pensionnaire. un Américain, n'est-ce pas? Je sais des choses sur vous, jeune homme. Ma fille, attends-toi à une surprise. Justement, j'allais expliquer à mademoiselle que je viens d'une île, des Indes occidentales, et que ma mère est une esclave. Ça, je m'en doute un peu, jeune homme. Et sachez que ça nous est égal. Pas vrai, ma fille? Mais non, ça ne m'est pas égal. L'esclavage est un crime. Heureusement, la nouvelle assemblée y mettra fin comme elle a mis fin au privilège. Votre mère sera bientôt aussi libre que nous. J'aime vous entendre parler ainsi, mademoiselle. Pardonnez mon émotion. Votre émotion, ma foi, votre émotion est la mienne. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Tout doux, vous deux, hein? Sachez, monsieur l'Américain, que je n'ai pas l'intention de donner ma fille à un simple soldat. Et moi, j'ai bien l'intention de ne pas le rester, simple soldat. Je vous surprendrai de ce côté-là aussi, monsieur Labouré. Soyez-en sûr. À vous regarder, à vous entendre, je le crois volontiers. Mais pour revenir à ma surprise, ce n'est pas de votre mère qu'il s'agit, mais de votre père. Je n'ai plus rien à voir avec mon père. Quoi qu'on vous ait dit, sachez que ce n'est plus vrai. Tout de même, écoute ça, ma fille. Ce jeune homme est fils d'un marquis, avec blason, château et un de ces noms à tiroir dont les aristocrates se font une gloire. Quelque chose comme Payan... Aidez-moi. Non, je ne vous aiderai pas. Ce nom n'a aucun sens pour moi. N'empêche, il va bien falloir que je l'inscrive sur mon registre. Si vous ne portez pas le nom de votre père, comment faites-vous? Vous vous en êtes inventé un? Pas la peine. Celui de ma mère convient très bien. Bon, alors, qu'est-ce que j'écris? Tiens, Marie-Louise, passe-moi ce registre. Merci. Marie-Louise, c'est votre petit nom, mademoiselle Labouré? Pour vous servir. Monsieur? Alexandre. C'est le prénom que j'ai choisi. Quant à mon nom, le premier porté dans ma dynastie, Dumas. Alexandre Dumas, c'est ça? Eh bien, bienvenue chez moi, Alexandre Dumas. Eh, ma fille, sors-nous du cidre. Et buvons au futur général. Au général Dumas. Général, à vrai dire, je ne le suis pas devenu tout de suite. Il a fallu attendre la guerre. Elle a commencé au début de l'année 1792, quand la Constituante a entrepris de secourir les patriotes de Belgique. Mon régiment a pris la route de la frontière. Mais avant de quitter Villers-Cotterêts, j'ai demandé la main de Marie-Louise au père Labouré. Et nous avons convenu, lui et moi, que je devais obtenir un grade de militaire avant le mariage. Un an plus tard, je revenais pour honorer notre promesse mutuelle. Oh, quelle belle troupe! Les citoyens soldats! Les vainqueurs de Valmy! Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Vous savez pas cette belle voix, citoyen Labouré! Oh, ça, quelle surprise! Citoyen Dumas! Oh, c'est Marie-Louise qui va être heureuse! Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cet uniforme? Impressionnant, non? Quoi tu parles? Panache tricolore, écharpe tricolore, parement doré. Mais je croyais que les soldats de la République allaient pieds nus. D'où viens-tu comme ça? Du 13e régiment des chasseurs à cheval. Tu as changé d'unité? Il a bien fallu. Pourquoi? Parce que son général en chef m'a appelé. Toi, personnellement? Allons donc. Nous nous connaissions quand j'étais à Paris. Il a entendu dire que je m'étais fait remarquer sur la frontière nord. Ah oui, Marie-Louise a lu ça dans une gazette. Il paraît que tu as fait 12 prisonniers à toi tout seul. Je suppose que ça t'a valu un petit grade. Autrement, tu ne reviendrais pas me voir, hein? Oui, un petit grade. Lieutenant-colonel. Tu te moques? Regardez mon chapeau. Je suis commandant en second du régiment. J'ai 1000 hommes sous mes ordres. Mais raconte-moi ce miracle, républicain. Je vous ai dit que je connaissais le commandant en chef du 13e régiment des chasseurs à cheval. Il se trouve qu'il a un point en commun avec moi, lui et le millier d'hommes que je commande. Nous sommes tous des fils d'esclaves. Ah, j'y suis! C'est ce qu'on appelle la Légion franche des Américains, oui. Marie-Louise m'a dit ça aussi. La Convention a créé ce régiment en réunissant des Noirs libres des colonies. Tous des volontaires, tous prêts à verser leur sang pour la liberté. Elle triomphera, la liberté. Le volcan allumé par la France va changer le sort de l'espèce humaine dans les deux hémisphères. Et mon sort à moi, cher papa. Je peux vous appeler papa, maintenant, n'est-ce pas? Jurez, dans 2 semaines, vous serez mariés. Dans mes bras, fiston. Voilà comment j'ai épousé ta mère, mon enfant. Le père labouré a tenu sa promesse, et la République aussi. En même temps qu'elle abolissait l'esclavage, elle favorisait ma carrière, fulgurante carrière. Général de division en septembre 1793, j'étais commandant en chef de l'armée des Alpes en décembre. 53 000 hommes sous mes ordres. 4 mois plus tard, j'ouvrais la route de l'Italie en m'emparant du col de Mont-Cenis. L'ennemi m'appelait le Diable Noir. Et les Français me fêtaient comme un héros. J'ai su alors ce qu'était la gloire. S'il n'y avait pas eu Bonaparte. Mais il y a eu Bonaparte. Un compagnon d'armes pour commencer, plutôt admiratif, voire bienveillant. Les relations entre les deux hommes, cependant, se détériorent vite. En 1798, pendant la campagne d'Égypte, le gringalet et flanqué, qu'est alors le futur Napoléon Ier, supporte mal le prestige obtenu par le Diable Noir auprès des Mamelouks, qui le prennent pour le chef de l'expédition. Il supporte encore moins d'apprendre que celui-ci critique ouvertement son ambition. Aussi, lorsqu'après 2 années de captivité dans les geôles du roi de Naples, le général Dumas revient en France, l'homme du 18 Brumaire fait en sorte que jamais son ancien camarade ne revienne sur le devant de la scène. La légende dit qu'au temps de leur entente, Dumas avait pensé faire de Bonaparte le parrain de son premier fils. Le 24 juillet 1802, la question se pose, mais sous un jour bien différent. Marie-Louise, quel bel enfant tu m'as fait! Oh mon Dieu! Il est énorme! Ses bonnes joues, ses cuisses dodues! Et comment il tête! Un bon vivant, hein? Ah, ma bien-aimée! Ça m'efface tous mes soucis, toutes mes déceptions. Au ton que tu prends, mon ami, je devine que la réponse à ta lettre n'a pas été bonne. Ma lettre? Quelle lettre? J'en ai envoyé tellement. Moins fort, tu lui fais peur. Pour ton indemnité. Ah, celle-là. On m'a répondu que je n'avais droit qu'à 2 mois de solde, comme tous les ex-prisonniers. Ce n'est pas ce que Murat écrivait. Il parlait de 500 000 francs qu'il avait obtenus du roi de Naples pour toi. Oui, c'est ce qu'il disait. Et Bonaparte? Je lui ai écrit, bien sûr. Avec une longue tirade sur nos campagnes communes, sur la République pour laquelle nous nous sommes battus. Il se moque bien de la République. Il vient de faire un coup d'État. Oh, tu ne vas pas lui demander d'être parrain, hein, j'espère. Bien sûr que non. Tout a tellement changé. Même Murat, il était pourtant d'accord avec moi sur les ambitions de Bonaparte. Tu veux rire? Il a participé au 18 Brumaire. On l'a vu entrer à cheval dans la salle. Si Kléber n'était pas mort, c'est à lui que je demanderais d'être parrain. Il avait prédit ce qui vient de se réaliser. Et lui, il ne s'est pas laissé séduire. Bon, soyons lucides, mon ami. Tu n'auras jamais ton indemnité. Il n'y a plus aucun commandement, je le crains. Bon, sur ce point, tant mieux. Ce n'est pas raisonnable de retourner au combat dans l'état de fatigue où tu es. Je suis un soldat, Marie-Louise. Et je n'ai que 40 ans. Je pourrais faire encore de grandes choses pour mon pays. Je le sais bien, mais regarde-toi. Tes 2 années de captivité ont compté comme 20. Tu es épuisé, tu souffres, je le vois. Ne sollicite plus Bonaparte, ni Murat, ni personne. Restons ici, chez nous. Faisons d'autres enfants. Chez nous. Il y a une autre lettre dont je ne t'ai pas parlé. Figure-toi que j'ai été obligé de demander l'autorisation de vivre ici, avec toi. Un décret a été pris qui interdit aux Noirs et aux Mulâtres, même lorsqu'ils sont affranchis, de rester en France. Dire que je ne suis même pas étonnée. Avec ces mesures qui viennent d'être prises en faveur des esclavagistes... Je ne pensais pas devoir un jour me poser la question, mais maintenant je me demande. Mon fils me reprochera-t-il un jour d'avoir laissé sur sa peau une ombre un peu foncée? Sottise, général. Combien d'enfants ont pour père un héros de la Révolution? Un soldat réputé pour son humanité? Pour son désintéressement? Aucun. Calme-toi, Marie-Louise. Je sais bien que tu érigeras la statue que Bonaparte me refuse. Mais tu vois, Ça m'aurait plu de laisser à mon fils un nom connu de tous les républicains. Tu ferais mieux de réfléchir à son prénom. Pas besoin. Souviens-toi, lorsque je suis entré dans ta famille, j'ai déclaré que je serais le premier de ma dynastie. Eh bien, voici Alexandre Dumas, deuxième du nom. Ce nom que je t'ai donné, mon enfant, est neuf. Il est vrai. Mais il n'est pas sans histoire. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais cette femme venue d'Afrique qui m'a donné naissance. N'oublie pas non plus que j'ai servi la République, ni qu'elle m'a honoré. N'oublie pas surtout le mal qu'on m'a fait, l'humiliation, la prison, la haine dont Bonaparte m'a poursuivi. Rends-moi justice. Je ne sais pas comment, mais tu me vengeras, j'en suis sûr. La revanche que tu m'offriras sera... Non. À quoi bon écrire cela ? Vis ta vie, sans trop penser à moi. Mon enfant. Ton père qui t'aime, Alexandre Dumas. Je vais me coucher. Marie-Louise a raison. Je suis bien fatigué. Le général Dumas de Christelle Mouchard avec le général Dumas Souleymane Silla, le marquis Alain Fromager, Cécette Dumas Carline Collagène, l'acheteur Marc Prin, une dame Clémentine Verdier, l'importun Antoine Sastre, Marie-Louise Labouret Juliette Alain, le père Labouret Éric Herson-Macarel, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Bruno Mourlan et Étienne Collin, assistante à la réalisation Alexandra Garcia-Villa, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur le général Dumas avec mon invité Frédéric Régent. A vine grows in the jungle like a line flows on a page. A simplified correction caught in cage. A flower whispers on your breath, it likes your cosmic style. A satellite in bracelets just a while. We, us the pharaohs, live for our own ideals. Stained glass and tarot cards can tell us how you sunlight as my heart grows to the east. The garden loves an email, thankfully. 5 million silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the Maxwell Farrington et le super Omar We Us the Pharaohs sur France Inter. Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assisté d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Tiffany Battistel. Frédéric Régent, le général Dumas, meurt le 26 février 1806 à Villers-Cotterêts, auprès de sa famille. Bon, avec l'autrice de la fiction, on a imaginé qu'il aurait pu écrire une lettre à ses enfants, parce qu'il a aussi une fille, hein, on n'en parle pas, une fille qui s'appelle Louise, pour leur raconter sa vie, mais sans doute il n'en a pas été ainsi. C'est la famille, probablement, qui a raconté au petit Alexandre la vie de son père. Oui, ça doit être la famille ou aussi les amis de son père. Par exemple, on sait que le maréchal Brune, qui était un des 16 maréchaux nommés par Napoléon Bonaparte, continuait à fréquenter son compagnon d'armes, le général Dumas. Dumas, en grandissant, a certainement rencontré des gens qui connaissaient son père et qui ont pu lui donner des détails, qu'il raconte d'ailleurs dans ses mémoires. Il y a une première partie qui est consacrée à la vie de son père et qui est particulièrement intéressante. Et bien entendu, ce ne sont pas des souvenirs d'un enfant de 4 ans. Hein. Oui, forcément. Donc c'est une vie assez extraordinaire que celle de son père, né esclave et qui devient général. Est-ce que c'est la Révolution donc qui a donné sa chance à la fois au roturier qu'il avait choisi d'être et aussi au noir qu'il était, oui, alors, au métis, au mulâtre, c'est le terme que l'on employait à cette époque-là. Complètement, c'est la Révolution qui lui permet de faire cette ascension fulgurante, ouais. Mais de la même manière que Napoléon Bonaparte. Mais aussi, à une ascension fulgurante. Alors ce qu'il faut comprendre dans le fait que lorsqu'il revient de captivité du royaume de Naples, alors non seulement il s'est brouillé... Il faut quand même expliquer en quelles circonstances, brièvement, mais donc il était en Égypte avec Bonaparte, il a décidé de partir. Voilà, il était en Égypte avec Bonaparte et il se défie de plus en plus de Bonaparte. Bon, il s'était promis l'un et l'autre d'être parrain de leur premier enfant, donc oui, ce qui prouve quand même proximité. Qu'il y avait une proximité entre les deux. Et d'ailleurs, Napoléon Bonaparte l'avait envoyé en Égypte et c'est Napoléon Bonaparte qui avait choisi les principaux officiers qui l'accompagnaient. Mais là, en Égypte, il tient une réunion et dans lequel il déclare qu'il n'est pas là pour créer un dictateur, qu'il est pour la République et qu'il a le sentiment que Napoléon Bonaparte est là pour mettre en place une dictature. Et ceci entraîne une rupture entre les deux hommes. Donc, le général Dumas prend congé de Napoléon Bonaparte, en profite pour le laisser partir. Et lorsqu'il revient vers la France... En bateau bien, en bateau, bien sûr. Fait escale à Naples, sauf qu'à ce moment-là, Naples a déclaré la guerre à la France, et lui, en tant que général, est mis en captivité. Cette captivité se fait dans des conditions atroces, et il ressort de cette captivité estropié, enfin malade, et il n'a plus la validité nécessaire pour avoir un commandement militaire. Et à cela, il faut ajouter effectivement cette disgrâce, mais auparavant, pendant la campagne d'Italie, il s'était brouillé avec Berthier. Berthier, qui était le général Berthier, qui était le chef d'état-major de Napoléon Bonaparte. Et Berthier est devenu ministre de la guerre. Donc ces deux événements, plus son état de santé, plus un autre événement, c'est que à partir de 1802, une politique est mise en place de ségrégation contre les gens de couleur. Donc l'ensemble de ces éléments font que aucun commandement militaire ne lui est donné, mais il n'est pas le seul. Hein. 1802, c'est la paix. Il y a beaucoup de généraux qui sont démobilisés, qui sont mis à la retraite. Donc, il en fait partie. Et 1802, c'est le rétablissement aussi de l'esclavage, voilà, qui avait été aboli par la Révolution en 1794. Tout à fait. Donc, par Bonaparte. Voilà, donc, ce rétablissement est fait par Bonaparte. Voilà, c'est la conjonction de ces événements-là. Mais, comme l'a indiqué le feuilleton, il reçoit quand même une dispense pour rester à Villers-Cotterêts, parce qu'il y avait été décidé que tous les hommes de couleur devaient quitter la première région militaire, enfin, qui était en gros le bassin parisien, et lui, il a obtenu une dispense pour rester. Alors, il faut aussi nuancer le fait, il n'est pas dans la misère. Hein. Alors, ce qu'il réclame, c'est qu'on lui paye la solde de ses 2 années de captivité au grade de général. Et ça, ça ne lui sera pas payé. En tout cas, sa pension de général lui est versée. Donc, il touche à peu près 4 000-4 500 livres par an, ce qui lui permet de vivre. Enfin, voilà, un ouvrier à cette époque-là touche une livre par jour. Donc, on est quand même un certain. Donc, le général Dumas n'est pas victime d'une cabale raciste de la part de Bonaparte. C'est-à-dire, on n'a pas les éléments de preuve. Enfin, il cumule quand même toute une série de choses, notamment ses problèmes d'ordre physique, et puis le fait qu'il ne soit pas d'accord politiquement. D'autres généraux républicains ont été disgraciés aussi. Et eux n'étaient pas de couleur. Et ce que l'on peut ajouter aussi, c'est qu'il y a des officiers de couleur qui ont repris du service par la suite dans l'armée. Le général Dumas, aujourd'hui, connaît un renouveau de célébrité. En décembre 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, évoquait son nom dans une interview sur la chaîne Brut. Il y a toute une part de notre histoire qui parle à une jeunesse qui est noire, qui est d'ailleurs noire, venant d'Afrique ou noirs ultramarines, ils ont leur héros. Simplement, on ne les a pas reconnus, on ne leur a pas donné une place. Qui, par exemple ? Il y a le père Dumas, qui est formidable général de l'Empire, qui était mulâtre. Mm-hmm. On l'a totalement oublié, mais le père d'Alexandre Dumas, il est mulâtre. Mm-hmm. Et il s'installe à Villers-Cotterêts. Et c'est un héros de guerre. On l'a totalement oublié. Sa statue à Paris, elle a existé, elle a été déboulonnée il y a des décennies de ça. C'était donc le président Macron en décembre 2020. Cette statue, effectivement, elle a existé. Elle avait été érigée en 1913 à Paris. Anatole France avait dit à l'époque « Le plus grand des Dumas, c'est le fils de la négresse. Il a risqué 60 fois sa vie pour la France et est mort pauvre. Une pareille existence est un chef-d'œuvre auprès duquel rien n'est à comparer. » Et cette statue, elle a été détruite par les nazis pendant l'occupation. Oui, tout à fait. Elle a été supprimée pendant l'occupation. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le nom de général Dumas est sur l'Arc de Triomphe. Oui, donc l'Arc de Triomphe, alors, oui. Mais qui a été achevé sous Louis-Philippe. Hein. Donc, il y a une reconnaissance. Voilà, il y a une reconnaissance. Alors, une reconnaissance déjà avant que le fils ne soit célèbre, hein, vu que l'Arc de Triomphe est achevé dans les années 1830. Et également, par la suite, il bénéficie en retour de la célébrité de son fils, hein, lorsque cette statue est mise en place en 1913. Emmanuel Macron dit que le général Dumas est un héros pour les jeunes noirs issus de l'immigration. Il est peut-être pour tout le monde, Frédéric Régent. Oui, ce sont des trajectoires qui sont fascinantes. Bon, après, moi, je me méfie toujours des héros parce que on finit toujours par trouver des failles. Voilà. Bon, moi, je préfère défendre des principes et puis penser à la masse des hommes, notamment tous ceux qui ont combattu pour sauver la République à cette époque-là, et qui ont aussi combattu pour l'abolition de l'esclavage, et pas seulement de ceux qui les ont commandés. Merci beaucoup, Frédéric Régent. Vous êtes l'auteur de « La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions », disponible en poche dans la collection Plurielle, et plus récemment « Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves », édité chez Talendier. À lire également « Le général Dumas » de Claude Ribe, chez Talendier, et de l'autrice de la fiction Christelle Mouchard, un roman jeunesse, « Alex, fils d'esclave », chez Flammarion. Et à voir le musée Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts, dédié à la mémoire des 3 Dumas. Autant n'importe l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons sous l'occupation en compagnie de Jean Cocteau et de Jean Marais, le couple mythique du théâtre et du cinéma français. Cocteau dans ses relations plus qu'ambiguës avec l'occupant et Jean Marais, jeune comédien qui ose casser la gueule à Alain Nobreau, un journaliste de la collaboration. Mais attention, en raison de la soirée électorale, vous ne pourrez écouter cette émission que sur franceinter.fr. Cocteau, Marais, un couple terrible sous l'occupation, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.